On mange des nouilles, au beurre ? On mange des nouilles à midi, non ? Parce que j'aime pas les nouilles, j'aime les pâtes. Bon appétit. Qui veut des nouilles au beurre ? Non, c'est vrai, hein, les... quand on dit les nouilles, espèce de nouilles. Non, non, non, ça des pâtes, monsieur, des pâtes. Les nouilles, en général, elles sont trop cuites. C'est dégueulasse. C'est la cantine. Non, mais il y en a un qui a un pseudo, il s'appelle Nouille. Ah ben, il est parti. Si, là. El Miqueto, nouille au beurre. Ouais, ou grosse nouille, ouais. T'es bien une grosse nouille, toi. Il aurait dû s'appeler Al Dente. Les mecs de là-bas, ils sont doués en rosé. Salut, Klaus. Nous, en Auvergne, niveau pinard, on n'est pas top. Hein. On est meilleur en fromage. Bon Saint-Nectaire, bon Cantal. C'est chiant, hein, ça. Un bleu d'Auvergne. Une fourme d'Ambert. Ou un crottin de chèvre. Boy. Dylan.